Je sais. Professeur, il est là pour... J'ai envie de lui pomper un peu ses forces. Voilà, bah tiens, ça va être joli. Voilà, nous avons une auditrice en ligne. Bravo. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Quel est ton prénom? Paulette. Paulette. Et tu as quel âge, Paulette? 32. 32 ans. Alors, tu voulais intervenir au sujet de l'appel de Claudine, c'est cela? Oui, c'est ça. Alors? Claudine, c'est la dame. C'est la dame qui nous a appelé avec son fils. Bah oui. Qui avait 55 ans et qui... Et qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais j'ai trouvé ça très bien. Très sympa, non? Bah oui, très sympathique, ça change. Oui, bah oui. Parce que j'écoute tous les mardis l'émission. Oui. Et je trouve ça bien, mais seulement... Tu es dans un hélicoptère, là? Hein? Tu es dans un hélicoptère? Non, non, c'est mon téléphone qui déconne. Ah, bon, là, d'accord, il n'y a rien à faire. Paulette, non, c'est mon téléphone qui déconne un peu. Ah, d'accord. Alors dis-moi, Paulette, qu'est-ce que tu as apprécié dans la prestation de Claudine? C'est pas forcément ce qu'elle a dit que j'ai apprécié, mais au moins, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui écoutent l'émission que les obsédés du cul. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que tu voulais dire. Voilà. Oui, voilà. Oui. Et puis, je suis de son avis, c'est très intéressant. Et puis, ça apporte pas mal de choses. Oh. Et puis, je vous trouve très psychologue. Mm-hmm. Bah, c'est notre métier. Ah oui. Oui, moi, tu sais, je suis à la base sexologue. Et Zaza est sociologue. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est ce qu'on se disait aussi. Mais ce n'est pas notre métier. Nous aurions pu le faire, mais bon, on a préféré faire autre chose. Tu me donnes tous les métiers du monde. Tu as dit que j'avais été prostituée. Mais tu peux être sociologue en même temps. C'est vrai que pour perfectionner mes études de sociologie, ouais. J'ai fait fréquenter le milieu prostitutionnel. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris. Elle a surtout beaucoup retenu. Elle a surtout beaucoup pris, oui. Ça, je me l'attendais, c'est trop belle. Mais t'es pédé? Hein? Tu es pédé? On peut pas t'expliquer. On n'est jamais trop pédé dans la vie, tu sais. Et SOS... On n'arrête pas de nous dire que c'est pas les pédés qui manquent, c'est le fric. Hein? Alors bon, on attend de nous prendre au mot. Hein. Oui, voilà, parce que finalement... Tu sais, les Phéniciens n'ont jamais rien mieux inventé que la monnaie. Hein. Alors dis-nous, Paulette, tu as un enfant? Oui, j'ai deux. Oui, deux enfants, quel âge ont-ils? Plus jeune quand même. 6 ans et demi et 17 mois. Et 17 mois. Oh, bah alors il n'y a pas de problème au niveau de leur sexualité pour le moment quand même. Ah non, pour le moment non. Ton mari... Quelques années. Et si par exemple ton fils est né, te dit à 16 ans ou 17 ans qu'il est amoureux d'un garçon, quelle serait ta réaction, Paulette? Je serais très peinée. Oui. Pourquoi peiner? Hein? Pourquoi peiner? Ah, parce que j'ai reçu une éducation très religieuse. Oui, mais si c'est ça, bien sûr. Tu es noire, non? Je déteste les PD. Paulette, tu es noire? Oui, je suis africaine. Africaine. Tu es d'où? Du Togo. Du Togo. Mmh. C'est très mal d'être PD là-bas. Ben oui, c'est pas fréquent, hein. Est-ce qu'il y en a quand même? Oui, maintenant, avec la jeunesse, de temps en temps. Ouais. Non, il n'y a pas avec la jeunesse. L'homosexualité, c'est pas une question de jeunesse, c'est une question de pulsion. Avec les touristes blancs, surtout. Ouais. Est-ce que la religion la religion est musulmane, là-bas? Ah, non, non. Oui, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Parce que le pape a fait un tabac au Togo. Il y a de tout. Oui. Et tu es toujours avec ton mari? Ah, ben oui. Oui. Et alors, est-ce que africain lui aussi? Oui. Oui, ok. Dis-moi, mais les jeunes là-bas, ils se font pas un petit peu entre eux comme dans les pays, disons, d'Afrique? Bah oui. Ils se font pas quoi? Les jeunes, les petits jeunes, les petits garçons jeunes. Ouais. N'ont pas de relations sexuelles entre eux? Ben, c'est comme partout pareil, hein. Avant le mariage? Bah évidemment. Ah oui, bien sûr, on n'est pas des musulmans, hein. D'accord. Toi, tu es vraiment contre les PD? Ah oui, je trouve ça dégoûtant. Ouais. C'est épidermique. Ouais. Par contre, les lesbiennes. Les guines, je trouve ça beaucoup plus esthétique. Ah. J'ai rien contre. Enfin, je suis pas pour, mais je trouve que c'est beaucoup plus beau, c'est plus joli qu'un PD. C'est grossier, c'est. Tu aimerais pas voir ton mari. C'est dégoûtant, quoi. Et tu aimerais pas voir, par exemple, ton mari se faire un mec? Oh non, alors là, je le tue. Tu le tues. Ah, tu l'as. Un coup de couteau. Une femme africaine, c'est... Moi, on m'a dit que une femme africaine valait 3 blanches. Quoi? On m'a dit qu'une femme africaine valait 3 blanches. Parce que toi tu dis que les PD... À quel point de vue? Parce que toi tu dis... Attends, déjà toi tu dis que les PD c'est dégueulasse et tout. C'est parce que tu te dis qu'en fin de compte, les femmes africaines sont des mangeuses d'hommes. Et tu te dis que deux PD c'est déjà quelque chose de gâché. C'est de perdu pour toi. Parce que tu aimes tellement les hommes. Ouais. Tu aimerais tous les avoir. Oh, non. T'aimerais pas avoir un harem de bonhomme à toi, et tu pourrais choisir comme ça de temps en temps, tu dis bah tiens ce soir c'est celui-là, et ce soir c'est celui-là. Oh non. Non, un seul te suffit. Oui, mais tu es de temps en temps regarde ailleurs, mais un seul me suffit. Oui, mais Paulette, en tant que femme, tu es une séductrice. Sans se passer à l'acte, tu aimes séduire. Ah bah oui, tu aimes sûr. Tu aimes surtout plaire. Ah bah bien sûr. Et être l'objet de la convoitise des hommes. ça te plaît. Tu es une coquette. Tu aimes attirer l'homme. Qu'est-ce que je raconte? Tu aimes mais te faire draguer. Sûr, tu aimes qu'on te regarde dans la rue. Oui, non mais ça me déplaît pas. Tu t'habilles serré. Oh non, je peux plus là. J'ai tellement grossi que je peux plus là. Ah, mais est-ce que tu sens un homme déjà, est-ce que tu aimes les hommes blancs? Ah non, moi j'ai pas de problème de race, hein. Ouais. Non, mais t'es blanc, couché... noir, quand un mec me plaît, il me plaît. Tu as couché avec des blancs, Paulette? Hein? Tu as déjà couché avec des blancs? Non, jamais. Jamais. Ah bon. Non. Non. Et tu es satisfaite avec les hommes noirs? Avec les hommes, avec mon mari. Ouais, il est chaud, bien. Il doit être très chaud, non? Ben oui, il est très chaud. Mais toi aussi, tu dois être très chaud, surtout. Oui, j'aime. Hein? Combien de fois vous faites l'amour par semaine? Oh, non, je compte pas. Hein. Une fois tous les jours? Au moins une fois tous les jours. Oh, non. Non. Non. Une fois, deux fois par semaine? Je compte pas, j'avoue, quand on en a envie. Ouais, ah, c'est... d'accord. Ouais. Et qui c'est qui a envie le premier? C'est soit lui ou soit moi. Ah, des fois, toi, tu attaques la première? Ah bah oui. Qu'est-ce que tu... Papa, il n'y a pas de règle pour que... Qu'est-ce que tu fais lorsque tu attaques? Est-ce que par exemple ça t'est déjà arrivé, ouais, lorsque tu étais près de ton mari, de le prendre et directement commencer à le sucer? Non, il n'aime pas ça. Ah non. Non. Il aime pas... Non. Il aime pas se faire sucer. Oh non, l'Africain en général n'aime pas se faire sucer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a l'impression, après que tu l'aies sucé, si tu l'embrasses, il a l'impression que tu lui fous sa bite dans la bouche. Ouais. Non, je pense pas que ce soit ça, mais... Non, j'ai l'impression que l'Africain en général... Il veut baiser. Oui, c'est vrai qu'ils aiment bien. Ils aiment bien. Et toi, qui te suce? Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver comme toi, ça peut arriver que tu le suces. Non, jamais tu le suces. Non. Et lui te suce. Il te lèche bien avant de te monter. Hein? Il te lèche bien avant de te grimper. Est-ce qu'il apprécie, par exemple, de te lécher? Quoi? Est-ce qu'il apprécie? Ben oui. Oui, il aime te lécher. Ben oui. Ah, voilà. Et est-ce que des fois derrière la boîte à chocolat et... C'est quoi la boîte à chocolat? Ben le petit trou derrière. Le petit guichet. Hein? Le petit trou derrière, est-ce qu'il aime des fois le visiter? Non. Il sert seulement à faire caca. Il fait quoi? Pas toucher cabinet à mouet, c'est pas bouffer à mouet, c'est bouffer caca. Hein? Il sert seulement à faire caca. Ah oui. Ah bon, mais c'est pas pour ça. Mais est-ce qu'il a déjà essayé? Ah non. Jamais toucher les cabinets? Ah non. Oui, c'est pour faire caca. Ah oui, non, mais ça m'intéresse pas. Oh, ben pourquoi dites-vous ça? Oh oui, écoute, parce si ça n'aime pas ça, chérie, la force pas. Enfin, David, je crois, est culophile. Un culophile? Non, mais je pense pas qu'il faut faire jaloux. Anusophile, comme on pourrait dire. Non, parce que j'aime bien savoir, moi je pose des questions, j'aime bien savoir par où tu prends. Anusocrate même, parce que... Et dis-moi, combien de temps ça dure un rapport sexuel avec ton mari? Il doit jouir généralement vite. Généralement assez longtemps. Ah, c'est une heure? Une heure, oui, à peu près. Et est-ce que des fois il peut 3-4 fois dans la nuit? Avant, oui, puis maintenant. Puis maintenant. Et il y a le phénomène toujours de d'usure. De fatigue, de boulot. D'accord. Aussi. Hein. Tu travailles non, dans quoi? Moi, je suis secrétaire comptable. Secrétaire comptable. Et des fois, dans ton travail, est-ce qu'il y a des hommes qui... Ah, il n'y a pas d'hommes. Je travaille qu'avec des femmes. Qu'avec des femmes. C'est pour ça que tu es... Moi, je pense que ton mari, si t'apportait une femme pour te mélanger avec. Est-ce que tu accepterais? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Non, tu ne pourrais pas faire l'amour avec une femme. Oh non, non. Non. Bien que tu trouves ça esthétique et joli. Oui, je suis pas pour, mais je dis à choisir, je choisirais. Ok. Alors, je trouve que bon, c'est plus beau. Dis-moi, Paulette, est-ce que tu interdirais? Attends, ouais. Est-ce que tu interdirais à tes enfants, à 15, 16 ans, si c'est des garçons, ouais, d'avoir des rapports sexuels? Ou tu les laisserais faire? Oui, je les laisserais faire. Fatalement, il faut, la nature sera plus forte que tes conseils. C'est bien, Paul. D'accord, tu les laisserais faire. Tu n'interdirais pas à ton garçon qui a... est-ce que tu serais fier de lui de savoir qu'il a des petits camarades, qu'il fait bien jouir, que... Oui, le contraire serait plutôt inquiétant. Absolument, voilà. Paulette, je suis d'accord avec toi. Ok, non, parce que tu sais, il y en a qui sont enfermés à 18 ans, le fait qu'ils fréquentent... Non, moi je suis assez pudique, pas l'éducation que j'ai reçue, mais quand même large d'esprit quand même. Hein. Ah, d'accord. Bravo. Oh oui, je suis pas, contre la sexualité. Tu serais fier que ton garçon soit un tombeur et qu'il ait plein de petites copines. Il est déjà tombeur. Hein. Il est déjà tombeur. Joli métier. Paulette, on te remercie infiniment de ton témoignage, à la fois sympathique et émouvant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ce sont les touristes étrangers qui ont amené l'homosexualité au Togo, parce que, dis donc, les Togolais, j'en connais quelques-uns, et crois-moi, c'est pas les étrangers qui les ont forcés à se colter les uns les autres. C'est-à-dire que les Togolais prennent les touristes blancs là-bas comme des victimes. C'est l'alibi, c'est l'alibi. Bon. Voilà. Vite, bon. David, on me fait signe qu'on me demande les réseaux Minitel. Oh là là, j'ai compris, en fait, des réseaux militaires, pas du tout, c'est pour faire place au réseau, le réseau Homo Gratos, c'est le 48, 25, 44, 44, on retrouve tout de suite, David les a, d'ailleurs, c'est la fin de l'émission, ils vont vous faire eux-mêmes leurs adieux. Je vous rappelle ça, 48, 25, 44, 44, c'est le réseau Homo Gratos. Voilà, vous le proposez déjà à présent, car ça fonctionne 24 heures sur 24. Et là-dessus, vous avez le meilleur de tous les mecs, c'est-à-dire vous, peut-être, à l'intérieur. Ahmed aussi était très bien, il y en avait un autre avant, je me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, tu as reçu beaucoup. Voilà, non mais tous les appels étaient très bien. Voilà, on vous remercie, on vous embrasse tous très fort et très fort. Et à mardi prochain. Passez une très bonne semaine. Si vous et si vous pétez surtout, vous restez ouverts, on arrive. A bientôt, bisous à tous et à toutes. Ah oui, j'avais oublié de raconter l'histoire de la petite pomme. On a le temps ? On n'a pas le temps. Ah oui, on a le temps. Voilà. Si un jour il y a une petite pomme, elle est accrochée à un arbre, et par terre, juste en dessous, il y a une merde. Et alors la pomme elle dit oh ben qu'est-ce que tu fais là? L'autre elle dit ben moi je suis une merde. L'autre elle dit mais c'est dégueulasse une merde, c'est pourri, c'est pas bien. Et puis moi regarde, je suis belle, je suis mignonne, je suis jolie, regarde, tout le monde a envie de moi, mais toi on te marche dessus, c'est dégueulasse. Et puis la pomme, alors elle chambre sans arrêt la merde, et puis d'un seul coup il y a un fermier qui arrive, qui prend et qui décroche la pomme, et le mec il croque dans la pomme, et la petite merde est dit à la pomme, coucou, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve mardi 22h, on vous embrasse tous très fort et très fort, le téléphone 43 57 69 70, on est encore là 5 à 10 minutes, 43 57 69 70. This is not strange, and I know it. Making no strange, and I know it. This is not strange, and I know it. This is not strange, and I know it. This is not strange, and I know it. prochaine, bien entendu. La semaine prochaine, dès 20h30 et jusqu'à 20h30, sur le ciel, une de Kiel avec David Zaza, bien entendu, qui n'a une personne. Non, je sais rien, c'est ça. Avant de nous quitter, oui, car c'est moi qui vous dis au revoir, c'est pas David, c'est pas Zaza, car je vous rappelle, c'était une rediffusion, il est inutile d'appeler pour voir quel est le numéro de téléphone, et surtout qu'en fait, nous ne donnons pas le numéro de téléphone, c'est vous qui laissez le vôtre, et ce sont les personnes que vous désirez contacter qui le font, et bien vous recontactez pour moi. Mais tant que vous nous quittez, alors auparavant, je dois vous dire que si vous le dites chacune de fiel, petit chacune de fiel, il n'y a rien de tel. Vous le portez, et tout de suite, tous les regards convergent vers vous, vous devenez une source inépuisable de plaisir. C'est pas beau, ça, madame. Alors, ce sont ces t-shirts pour 70 francs avec le logo de Fiel dessus. Et que tout le monde sait ce que ça veut dire quand quelqu'un porte le logo de Fiel sur soi, voyez ce que je veux dire. Bien, c'est par chèque ou mande à lettre à l'ordre de David Girard. Chèque ou mande à lettre à l'ordre de David Girard. David, comme David Girard, G-I-R-A-R-D. Surtout pas d'argent, et encore moins de pièces. Vous auriez tout ça à Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Vous mettez vos noms et vos adresses, bien entendu, sinon vous êtes la dernière en vivre, et jamais vous ne recevrez le soutien qui chante de votre service. Il y aura une chance. Bien mieux aussi, il y a le Minitel, vous avez un Minitel, alors profitez-en en musée. Retrouvez vos camarades de Lune de Fiel sur le 3615 code TBM, TBM comme le très bien monté. Et vous faites le choix, Lune de Fiel, là-dedans vous trouvez le chat, des petites choses comme ça, les insultes, le vocabulaire, enfin des cartes vocabulaires, c'est 3615 TBM, et le code c'est Lune de Fiel, le code. Non, le choix, Lune de Fiel. Vous avez aussi le réseau Gay, 3615 Gay, 3615 Gogay, c'est pour les homos, et 3615 Lyon, c'est pour les hétéros. Et surtout, surtout pour les gays, le réseau tout court, le réseau téléphonique gratos. Le réseau gratuit, vous composez le 48 25 44 44, 48 25 44 44, et vous avez même à poids des centaines de dizaines de mecs qui sont dessus, qui n'ont rien payé comme vous, et qui appassent allègrement leurs petites annonces. C'est le réseau gay gratos. Et c'est homo, hein. Attention, 24.4, mais c'est homo. Alors un crayon, un papier, je vous donne le numéro de téléphone, 48 25 44 44 48 25 44 44. C'est le réseau gay gratuit. Voilà, on s'est tout dit, il me reste encore à vous embrasser très fort. Prochaine petite annonce, c'est demain 22h30, vous passez tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. À bientôt, donc il est minuit 36, oh là là, c'est bonne nuit à tous. Pour l'éternité. Nous revoilà ensemble pour Lune de Fiel. Tous les mardis, 2 heures d'émission choc, au cours desquelles vous nous dévoilerez vos fantasmes les plus secrets. Du bon ciel. Du sexe. Du cœur. Du cœur. Du cœur. Tous les mardis, de 22h30 à minuit 30, Lune de Fiel sur... Future génération. Me rappelle sans cesse que tu veux la délaisse. Oh, oh. Elle sera un malheur, oh, oh, oh. Elle tuera mon bonheur, oh, oh, oh, oh. Elle m'arrachera le cœur et criera sur les doigts tout ce qu'elle sait de moi. Oh, no, it's not. Elle n'arrive pas à me rappeler, me rappeler. Me rappelle sans cesse que si je la délaisse, elle sera un malheur, elle sera mon bonheur. Elle m'arrache le cœur, elle criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Thank you.